Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Fresh as you need mix the mix the attention, attention, people, people. Et fresh as fuck, c'est prêt, c'est prêt. Parce que moi, non. Bamba Clad, open the mic, select ça. Non, non, non. LG, Harry, ils vont valider. Et on va parler en privé. En espérant ne pas dériver. On ne va pas se priver. Fresh, avec toi, on va driver. Et on va parler en privé. En espérant ne pas dériver. On ne va pas se priver. Et fresh, tu m'as l'air plus ou moins fraîche. Pas la dèche. C'est qu'il y a toujours de mèche. Garde la pêche. Chevalier ou pas trop rêche. N'oublie pas, ce soir c'est chez toi que je crèche. Je lol. Même si tu te plais, je me contrôle. On le prend cool. Ce soir c'est all time dance sol. C'est drôle. Entre nous, il n'y a jamais de wall. Ils ont voulu nous tester. Rater, c'est pas de bol. LG, tu es ma source d'énergie. Ne fais pas d'hémorragie. Je ne saurais pas réagir. LG, arrêtons les démagogies. Entre nous, pas de soucis. Il n'y a pas de jalousie. LG, tu es mon ami pour la vie. Si l'amitié disparaît, tu ne seras pas mon ennemi. LG, entre nous, pas de magie. Ça, je te l'ai déjà dit. Je remercie la musique. LG, amis, on va arriver. Et on va parler en privé. En espérant ne pas dériver. On ne va pas se priver. Fresh, avec toi, on va arriver. Et on va parler en privé. En espérant ne pas dériver. On ne va pas se priver. LG, je ne veux pas te faire cogiter depuis qu'on se connaît. Je te kiffe, c'est la réalité. T'es pas enfant qu'on met. Tu sais militer, c'est la plus importante des qualités pour notre activité. Aucun sentiment de supériorité, encore moins d'infériorité. On reste à égalité, ceci est le fruit de notre affinité. Tu ne connais pas encore la grandeur de notre complicité. Des livres éternes, des sons de qualité. Bali sont la facilité, des luttes sans masse en quantité. Elle se taille une seule personnalité. Reste fidèle et tu ne me parles pas d'infidélité. Beaucoup devraient grandir et changer de mentalité. Plus de corps pour eux pour qu'ils sortent de l'obscurité. La vie est limitée, hélas pas illimitée. Ceci sort de ma bouche, non ça ne peut être que la vérité. MDL, ce sera le procès des tels. Pour si vous voulez nous plaire, on en fait notre affaire. C'est clair, tout le monde ne peut solitaire. Donc c'est à deux qu'on est grâce, nous jouons solitaire. Que je te whiz, faisons tout même les plus bas des bêtises. On reste sur toi, quoi que le people en dise. Toujours des battes pour le people. Non, non, non, non, non, non, ah, ok. LG, amis, on va arriver. Et on va parler en privé. En espérant ne pas dériver. On ne va pas se priver. Fresh, avec toi, on va arriver. Et on va parler en privé. En espérant ne pas dériver. On ne va pas se priver. Oui, oui, oui, Fresh, quoi? LG, je suis emballé, ça on fait vite. Mais attends, Fresh, attends 2 minutes encore, je suis pas encore prêt. Attends, mais tu es malade ou quoi? Mais faut pas en parler. À la fin, tu vas mettre moi un verre, descend. Bombo clat. Attends, Fresh. Comment tu m'appelles là? C'est bien ça. Je suis dans mes casquettes, à sortir mes baskets. Mon arrête de me prendre la tête là. Descends là, mon papa. Sorry, Fresh, c'est toujours la même chose avec toi. Moi, calé. C'est comme une pussy girl. Qui ça? Non, mais non, chérie, j'ai descend. Ah bon? LG, amis, on va arriver. Et on va parler en privé. En espérant ne pas dériver. On ne va pas se priver. Fresh, avec toi, on va arriver. Et on va parler en privé. En espérant ne pas dériver. On ne va pas se priver. LG, amis, on va arriver. Et on va parler en privé. En espérant ne pas dériver. On ne va pas se priver. Fresh, avec toi, on va arriver. Et on va parler en privé. En espérant ne pas dériver.